disques de Discord. D'en avoir pour ton pognon. Bien adéquate, bien au-dessus de ça. Bien adéquate, bien au-dessus de ça. Te souviens-tu son corps, cul nu, oh, bien adéquate. Bien au-dessus de ça. Quelques billets. Ce serait l'un contre l'autre. Bien adéquate. Bien au-dessus de ça. Allez, une pipe au lit. Oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de ça. Sa bouche gobant mon sexe. Oh, ma verge étendue. Oh, oh, bien gonflé, bien gonflé dans sa bouche. Oh, pourrait exploser, mais faut se retenir un peu, ouais. Puis son sexe, à son sexe, je lèche. Bien adéquate, oh, bien au-dessus de ça. Bien adéquate, bien au-dessus de toi. Bien au-dessus de ça. Oh, oh, oh. Puis ses seins et ses fesses, oh mon Dieu, nom de Dieu, oh mon Dieu, oh nom de Dieu, oh mon Dieu. Je suis, oh bien adéquate. Oh, bien au-dessus de ça. Oh, bien adéquate. Bien au-dessus de ça. Oh, bien au-dessus de toi. Oh, j'en peux plus, j'en peux. Oh, j'en peux plus. J'éjacule en levrette. Oh, oh, oh, oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de ça. Oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de toi. Oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de ça. Bien au-dessus, bien au-dessus. Oh, oh. Elle m'enlève le préservatif. Bien adéquate. Bien au-dessus de ça, le mouchoir, elle essuie. Oh, bien adéquate, oh, bien au-dessus de ça, et on finit l'un contre l'autre, mais pas l'un dans l'autre, juste l'un contre l'autre. Oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de ça. Oh, bien adéquate. Oh, bien au-dessus de toi. Oh, toi, bien adéquate, bien au-dessus de ça, bien au-dessus, sans risque de discorde, en avoir pour ton pognon. Bien au-dessus de ça, bien au-dessus de toi, bien adéquate, bien adéquate, bien au-dessus, bien au-dessus. Bien adéquate, oh bien au-dessus de ça, bien adéquate, bien au-dessus de toi, bien adéquate, bien au-dessus de ça, bien adéquate, oh bien au-dessus de toi, oh bien au-dessus de ça, oh bien au-dessus,